quelque part, dans les tunnels, loin de Wish City. Aïe! Aïe! Ah, ouf! Ouh, ouh, ouh, ouh. Tout le monde va bien? Oh, où on est là? Booze? Ça va, mais le chariot, il est tout patraque. Où? Mais où est-ce qu'on est? Mais Mila? Ça va. Mila peinait à se remettre debout. À quelques mètres derrière nous, éclaté contre la roche, le chariot qui nous avait permis de rattraper le rat qui avait kidnappé Mila. On a fait une de ces chutes. Vous connaissiez l'existence de ces tunnels? Je regardais autour de moi, tout en me relevant. Lorsque le chariot était lourdement retombé dans le tunnel, nous avions été éjectés sur plus d'un mètre. Pour un Baef Wish, c'est grand. J'avais mal partout. Mon corps n'était plus qu'un immense hématome. Non, je ne connaissais pas ces tunnels. On a fait fiou comme ça. On a volé au-dessus du grand gouffre et on est retombé ici. Waouh. Dites, Booze, ça vous plaît vraiment ce genre de cascade? Non, parce que moi, ça aurait plutôt tendance à me faire flipper. Pendant que Booze mimait la chute, je m'étais avancé. Il y avait de la lumière au fond du tunnel, une lumière fébrile qui tremblait. Ce tunnel-là était naturel. Les baïfouilles, je ne l'avais pas creusé. Les courbes étaient trop parfaites. Bon, faut pas vous énerver. Évidemment, je voulais sortir du palais, comme si j'étais pas bien, moi, dans le palais, à dormir dans mon beau lit avec mes beaux draps tout doux, à me faire masser par des masseurs à succès, à manger ce que je veux quand je veux, à avoir le plus beau maquillage, le plus beau parfum. On a fait un des plus grands vols planés toute l'histoire de Wish City. Vol plané! On a risqué notre vie, oui. Oh, si tout le gras que vous avez dans le ventre pouvait être de la cellule grise, vous comprendriez pourquoi je suis autant énervée. Quoi? Moi, j'aimais bien cette cascade. Au fond du tunnel, venez. Il y a des gens. Ce n'étaient pas des gens. Nous avons atteint le bout du tunnel pour découvrir une immense caverne éclairée par le feu des gouffres alentours. Ici et là, des failles donnaient sur la lave en fusion et se déplaçant sur les parois comme des araignées grignotant des champignons, se sautant dessus en grognant par moments, couinant, cliquetant, caquetant, rugissant par milliers. Des rats. Une épidémie de rats. Oh mon Dieu! Fermez-la! C'est pas croyable. Nous nous sommes agenouillés sur une corniche. Oui, je sais. Manfred! Manfred! La voix avait tonné dans la caverne, surprenant bon nombre de rats. Beaucoup s'écartèrent et parmi la foule, un rat parmi tous les autres, un rat des plus imposants, l'œil rouge vif, l'autre mort, éteint, avançait sur ses quatre pattes en roulant des épaules. J'ai senti la main de Mila effleurer la mienne. Vous avez peur? Non, pas du tout. Elle l'a retiré. Elle tremblait. Le gros rat sauta sur un rocher élevé pour surplomber ses congénères. Il se dressait sur ses deux pattes arrière comme un chef. Manfred! J'arrive, votre seigneurie. Il fut aussitôt rejoint par un gringalet au poil gras. Il paraissait nerveux en permanence. Ah, ma raclure préférée. Les rats se turent. Toutes les têtes convergèrent vers le gros dressé de tout son long sur un rocher. Écoutez-moi! Écoutez, Ratis! Écoutez-le! Enfin! Il est venu le... Il est venu le temps des cathédrales! L'heure a sonné! Le gros rat s'est contenté de jeter un œil rougeoyant sur le gringalet. Et le gringalet s'est tu, tremblant. Il est venu le temps de nous faire connaître! Bientôt nous saurons qui sont réellement ces bipèdes proches des hommes qui creusent. Ils n'ont pas de poils. Leur chair est aussi tendre qu'un simple humain. Les humains! Vos gueules! Des humains? C'est quoi ça? Il faut partir d'ici, retourner à Wish City. Mais comment? Vous savez même pas où est-ce qu'on est? Nous sommes des creuseurs, mademoiselle Mila. Les galeries, ça nous connaît. Nous trouverons bien un chemin, ne vous inquiétez pas. J'aimerais bien, mais pour ça, faudrait que vous ne soyez pas là. À chaque fois que je suis à vos côtés, il se passe des choses qui font peur.